On commence, inshallah. Inna alhamda lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 36 dans la lecture de Umdatul Ahkam, le sharh de Umdatul Ahkam du Cheikh Abdullah Al-Bassam. Donc j'essaie de voir avec la radio si ça fonctionne, mais on dirait que ça ne veut pas fonctionner. Attendez une minute. Oui, c'est ça, ça marche. Donc, alhamdulillah. Le cours d'aujourd'hui, on va commencer par lire le hadith. On est rendu, on était toujours dans le chapitre de Sifatul Salat, la description de la salat. Et on est arrivé donc à l'explication du hadith 75 dans le livre. Au dernier cours, on parlait du fait qu'on ne doit pas dépasser l'imam, on ne doit pas faire les gestes avant lui dans la salat, et on ne doit pas non plus faire les gestes en même temps que lui, puis on ne doit pas non plus trop tarder à le suivre, tu vois. Donc il faut être dans la modération, il ne faut pas exagérer et être par exemple avant l'imam dans les mouvements, il ne faut pas non plus être en même temps que lui, et il ne faut pas non plus trop tarder, comme par exemple si tu attends trop que l'imam fasse quand il a terminé de faire le mouvement, comme par exemple la prosternation, mais s'il s'est prosterné, eh bien, toi, tu dois le suivre. Tu ne dois pas être en même temps que lui, tu ne dois pas être avant lui, ni en même temps que lui, mais en même temps, tu ne dois pas attendre trop pour que lui, il se relève du sujoud, puis toi, tu n'as même pas encore commencé. Hein? Donc, il ne faut pas être dans un extrême ni dans l'autre. Le hadith, donc le chapitre, comme je dis, le sous-chapitre, c'est l'imam maintenant. Donc, ça a rapport avec... Qu'est-ce qui a rapport avec l'imam et comment suivre l'imam et ainsi de suite. Le premier hadith s'est rapporté selon Abdullah ibn Yazid. An Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari radiyallahu anhu قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده رواه البخاري ومسلم. Ça c'est un hadith important, hein? C'est rapporté sur Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari radiyallahu anhu. Il dit que Al-Bara ibn Azib nous a rapporté, et il n'est pas menteur, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait Sami' Allahu liman hamida, hein? Après quand il se relève du recours, il dit il n'y en a pas aucun d'entre nous. Quand le prophète disait que Allah exauce celui, ou répond à celui qui l'a glorifié, il n'y en a aucun d'entre nous qui penchait son dos jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit prosterné. Et lorsqu'il s'était prosterné, à ce moment-là, nous prosternions. Donc c'est pas comme beaucoup de gens malheureusement font aujourd'hui, certaines personnes juste quand l'imam il fait juste Allahu Akbar pour se prosterner, déjà les gens ils commencent à se prosterner en même temps que lui. Et ça c'est contraire à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contraire à la sunna. Et les sahaba ils ne faisaient pas ça. Les sahaba ils attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit complètement prosterné par terre. À ce moment-là, ils commençaient à se pencher pour se prosterner. Naam. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il dit gharib al-hadith thumma naqa'u بالرفع على الاستئناف وليس معطوفا على يقع الأولى المنصوب بحتى إذ ليس المعنى عليه ثم نقع سجودا. Donc il dit, ça c'est des explications grammaticales. Donc on ne va pas traduire ça. Après le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali, on va traduire le sens général du hadith. Le cheikh il dit يذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم يأم أصحابه في الصلاة فكانت أفعال المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم رفع أصحابه بعده ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا وحينئذ يقعون بعده ساجدين. Donc ici ils expliquent que le narrateur il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dirige les compagnons dans la salat et les actions des gens qui prient derrière l'imam elles ne viennent pas après, elles ne viennent pas avant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font le mouvement seulement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété son action. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété son action, là ils font le mouvement eux aussi. Et donc il donne l'exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé du rukou, il dit Sami Allahu liman hamida, hein, et les sahaba se lèvent, hein, ils se relèvent aussi. Puis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, à ce moment-là, il se penche pour se prosterner aussi et pas avant. Il dit wa ma yu'khadhu min al-hadith يعني صفة أولا صفة متابعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد. Parmi les points qu'on peut comprendre de ce hadith, le premier point qui est mentionné, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué, que on voit la description du suivi des sahaba. Comment les sahaba suivaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat. Et comment ils ne bougeaient pas, ils ne changeaient pas, ou ils ne passaient pas d'un mouvement ou d'une position à une autre, excepté, yani, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait complété le mouvement au complet. Donc, ils ne vont pas, par exemple, se déplacer de la tenue debout, hein, du fait d'être debout pour se prosterner par terre, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait fait lui-même, complètement. Et là, le point numéro 2, il dit, أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُتَابَعَ هَكَذَا فَلَا تَتَقَدَّمَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَنِي مُحَرَّمٌ وَيُبْطِلُ الصَّلَاةِ وَلَا تُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ يَنْقُصُ الصَّلَاةِ وَلَا تَتَأَخَّرْ عَنْهُ كَثِيرًا بَلْ تَلِيَهُ مُبَاشَرَةً. Donc, il dit, tu dois pas il dit, c'est ainsi que tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette façon. Tu ne dois pas devancer l'imam, parce que ça c'est haram. Et si tu devances l'imam, tu vas annuler ta salat. Ta salat sera plus valide. Et il dit, tu ne dois pas non plus être en accord avec lui, c'est-à-dire le faire en même temps que lui, le mouvement. Il dit, parce que si tu le fais en même temps que lui, ça c'est détestable, c'est makruh. Et si tu le fais, ta prière va perdre de sa valeur. Elle va avoir moins de récompenses. Il dit وَلَا تَتَأَخَّرْ عَنْهُ كَثِيرًا. Tu vas pas non plus retarder trop de l'imam. Hein? Il y a des gens comme ça. Ils veulent aller à leur rythme dans la prière sans suivre l'imam. Et ils disent l'imam, s'il fait pas par exemple un sujoud très long, moi je veux profiter du sujoud pour faire plus de dhikr, des rappels, des du'as. Donc toi tu restes longtemps dans le sujoud. Lui, l'imam, il s'est relevé, il a dit Allahu Akbar, il est assis. Toi, tu es encore dans le sujoud. Puis tu restes. Après, il dit Allahu Akbar pour se prosterner une deuxième fois. Toi, tu es encore dans la prosternation, là, tu te lèves. Et là, tu es obligé de courir pour le rattraper dans le deuxième sujoud. Et ça, c'est pas bon, ça, si tu fais ça. Donc, tu dois pas trop retarder de l'imam. Tu dois le suivre. Hein? Et si, par exemple, il y a des gens, malheureusement, c'est pas leur faute aussi, ils ont été éprouvés par un imam qui exagère dans la rapidité, qui prie trop vite. Hein? Et donc, à cause de ça, ils n'ont pas le temps d'avoir du khushu dans la salat. Ils n'ont pas le temps d'avoir de la concentration dans leur salat. Alors, dans ce cas-là, c'est bien d'aller voir cet imam et de lui faire le rappel, de lui donner le bon conseil et de lui dire que c'est bien de pas faire la prière de façon exagérément longue pour que ce soit trop lourd pour les gens, mais en même temps, c'est pas non plus bon de faire la prière trop rapidement pour que tu aies pas le temps de retrouver ta concentration puis ta dévotion dans la salat. J'ai entendu, j'ai vu ça, surtout dans il y a des frères qui ont partagé cette vidéo durant le Tarawih, et puis qu'un imam qui fait, je pense, je sais pas combien le nombre de rakat, mais en quelques minutes seulement, et ça devient vraiment ridicule. C'est sûr que celui qui fait ça, il joue avec la salat, hein, il joue avec la salat, c'est pas sérieux de faire la salat d'une rapidité de cette façon-là, parce que la personne, elle a même pas le temps de faire les mouvements comme il faut, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui blâme la personne qui prie de cette façon-là et qui mentionne que ça, c'est comme l'exemple du coq là, qui, quand il bécote, hein, il picore là, c'est comme ça. Il y a des gens, quand il prie, c'est comme ça, il est rapide, trop rapide. Et le cheikh, il dit, وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى طُولِ الطَّمَأْنِينَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَهَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِينَ أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى تنبيه الموافقة في أفعال الصلاة وأقوال الإمام وأقوالها للإمام مكروهة إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد معها الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد معها الصلاة. Donc il dit le troisième point que le cheikh il a mentionné. Il dit que yani le hadith est une preuve que tu dois avoir la sérénité pendant toute ta salat, hein, pendant le recours et ainsi de suite, dans les autres mouvements aussi. Et en ce qui concerne la sérénité, ça c'est pour les gens qui prient derrière l'imam, mais la même chose aussi pour l'imam, et il y a d'autres preuves à ce sujet là comme le cheikh il le dit. En ce qui concerne al-muwafaqa, le fait de faire les actes ou les mouvements de la prière et les paroles de la prière en même temps que l'imam, ça c'est détestable. Il dit accepter le takbiratul ihram, le premier takbir, parce que si tu attends pas l'imam, tu attends pas que l'imam fasse le takbir, le premier takbir, alors là, yani, ta prière ne sera même pas valable si tu le fais en même temps que lui. Il faut que tu attendes vraiment qu'il l'ait fait. Oui, parce que si tu fais le takbir en même temps que lui, ça veut dire que tu ne pries pas avec l'imam, tu pries tout seul. Hein? Donc il faut que tu attendes que l'imam il a fait son takbir, hein? Allahu Akbar, et là toi tu fais ton takbir, Allahu Akbar, tu ne fais pas en même temps que lui. Après le hadith suivant, c'est le hadith 76, dans lequel ici le cheikh il rapporte ce hadith, hein? L'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, celui qui a écrit Umdatul Ahkam, il rapporte ce hadith. Il dit: An Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam idha amman al-imam fa'amminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ici, ça dit, c'est un hadith rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque votre imam dit Amin, alors dites Amin. Hein? Parce que celui dont le ta'min est en même temps que les anges, que le ta'min des anges, eh bien, Allah va lui pardonner tout ce qu'il avait comme péché précédent. Donc celui que lorsqu'il dit Amin, il le dit en même temps que les anges, eh bien, Allah va lui pardonner tout ce qu'il avait comme péché précédent. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est ça qu'on va expliquer maintenant. Parce qu'il dit, quand l'imam dit Amin, vous, vous dites Amin. Donc il faut que lui, il le dise, après ça, toi, tu le dis. Hein? Bon, mais on va lire les détails là-dessus. Le cheikh, il dit, Al-Ma'na al-Ijmali, du'a ou fatihat al-kitab, هو أحسن الدعاء وأنفعه لذا شرع للمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يؤمن بعده لأن التأميم طابع للدعاء فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة ألا وهي غفران الذنوب بأيسر الأسباب فلا يفوتها إلا محروم الشيخ dit que le sens général de ce hadith c'est que le dua de la Fatiha dans le Coran, le premier verset dans le Coran, c'est le meilleur dua. Il a le plus bénéfique des duas, des invocations. Et il a été légiféré pour la personne qui prie, qu'elle soit imam, ou qu'elle soit parmi ceux qui prient derrière l'imam, ou qu'elle soit quelqu'un qui prie individuellement, que, yani, lorsqu'elle fait la Fatiha, après avoir dit la Fatiha, elle dise Amin. Et Amin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oh Allah, réponds-moi, exauce-moi. C'est ça que ça veut dire. Amin, ça veut dire istajib. Istajib, ya Rab. Réponds, exauce-moi, réponds-moi, oh Allah. Donc, le cheikh, il dit, lorsque tu termines la Fatiha, tu dis Amin. C'est comme si tu viens sceller l'invocation et ce dua-là. En disant Amin, tu le termines. Et donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de dire Amin lorsque l'imam dit Amin. Parce que c'est le temps dans lequel les anges disent Amin. Et celui dont le Amin vient en même temps que celui des anges, il sera pardonné pour les péchés précédents qu'il a fait. Et ça, c'est un butin, hein. C'est une occasion précieuse qu'on ne doit pas négliger pour pouvoir avoir le pardon de nos péchés par les causes les plus simples et les plus faciles. C'est pas difficile, hein, c'est pas quelque chose de difficile, donc pourquoi ne pas en profiter, hein? Donc il dit, le cheikh, il y a personne qui laisse passer cette occasion là excepté quelqu'un qui est qui a été privé du bien, yani. Et il dit ensuite, ikhtilaf ul-ulama. À ce sujet-là, il va parler maintenant des divergences entre les ulama sur cette question. ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام. وتأول الحديث على معنى إذا بلغ الإمام موضع التأمين ولم يقصد التأمين نفسه. Donc l'imam Malik, dans une des deux narrations qui a été rapportée de sa part à ce sujet-là, une des deux paroles à ce sujet-là de sa part, qui a été rapportée de sa part, c'est que lui, il dit que le fait de dire Amin, c'est uniquement légiféré pour les gens qui prient en dehors de l'imam. C'est-à-dire, c'est pas légiféré pour l'imam. C'est-à-dire que lui, il considère que l'imam, il ne doit pas dire Amin. Et il a interprété le hadith en question qu'on vient de lire en disant que lorsque le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque l'imam dit Amin, lui, il l'explique en voulant dire que ça signifie lorsque l'imam arrive à l'endroit où on dit Amin. Il considère, lui, que tu ne dois pas dire Amin, que si tu es imam. D'accord? Oui. C'est-à-dire que l'imam Malik avait deux opinions sur cette question, et ça, c'est une des deux. Il dit ensuite, وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب التأمين. Des fois les gens, وعليكم السلام ورحمة الله. Des fois les gens, quand tu lis dans les livres de fiqh comme ça ou les livres de hadith, et que les ulama ils énumèrent les positions de certains ulama, et quand tu entends une des positions, dans une position parmi les positions de certains d'entre les ulama, tu trouves certaines positions, des fois tu dis, mais comment il a pu avoir cette position-là, ou pourquoi il a eu cette position-là, tu vois? Parce que des fois, tu trouves que c'est une position qui est vraiment loin de qu'est-ce que le hadith a mentionné. Donc, des fois, c'est comme ça. Mais il faut pas oublier que ces imams-là sont des êtres humains. Ils peuvent se tromper, comme tout le monde. Ils ne sont pas infaillibles, même si leur science est immense. Même si c'est les plus grands imams de l'histoire de l'islam, mais malgré tout, c'est pour nous faire comprendre qu'ils sont des êtres humains, ils peuvent se tromper. Et même l'imam Malik lui-même, il le disait, toute personne peut avoir raison ou peut se tromper, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, celui qui est dans cette tombe, parce qu'il était à côté dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il disait, toute personne peut avoir raison ou se tromper, excepté celui qui est dans cette tombe. C'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne va pas se tromper dans la religion. Le cheikh il dit ensuite, ذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد لظاهر الحديث الذي معنا وغيره وذهبت الظاهرية إلى الوجوب على كل مصل وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين لأن الأمر يقتضي الوجوب. Bon, ça c'est la deuxième position, ou la deuxième position, c'est la position de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et eux, ils considèrent que c'est recommandé pour l'imam et pour toute personne qui est en train de prier, qu'il soit imam, qu'il soit derrière l'imam, ou qu'il soit en train de prier séparément. Il est recommandé pour lui de dire Amin. Et il se base sur le sens apparent du hadith qu'on est en train de lire maintenant. Et il y a une autre position, c'est la position du madhhab al-zahiri. Et ça, c'est un madhhab qui est moins célèbre, moins connu, mais il fait partie des madhhab. Ouais, le madhhab al-zahiri. C'est le madhhab de Daoud al-Zahiri et de Ibn Hazm al-Andalusi. Naam. Naam, exact. Barakallahu fik. Et donc, le madhhab al-Zahiri, eux, ils rejettent le qiyas. L'analogie. Donc, ils font pas de qiyas. Ils disent chaque chose doit avoir une preuve textuelle. Sinon, on l'accepte pas. En tout cas, leur position à ce sujet-là, c'est que c'est obligatoire pour toute personne qui prie de dire Amin. Et ils se basent sur le sens apparent du hadith et ils disent, puisque l'ordre implique l'obligation, donc c'est obligatoire de dire Amin. Ça, c'est leur position là-dessus. Et le cheikh, il explique, il dit, وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ أولا مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد. Donc le premier point, c'est que c'est légiféré pour l'imam, pour le ma'moum, pour le personnage. Ma'moum, ça veut dire quoi, al-ma'moum? Al-ma'moum, c'est celui qui prie derrière l'imam. Al-imam, c'est lui qui guide la prière. Al-ma'moum, c'est celui qui est guidé dans la prière, qui est guidé par l'imam. On l'appelle en arabe al-ma'moum. Ma'moumoun. Et al-munfarid, c'est celui qui prie tout seul, c'est-à-dire qui prie individuellement, soit parce qu'il fait rak'atayn ou bien parce qu'il prie, il n'y a personne pour prier avec lui, donc il fait sa prière seul. Ça, on appelle al-munfarid. Donc le cheikh il dit, donc ça prouve, ce hadith-là, il prouve que c'est légiféré, que c'est que c'est, yani, ça fait partie de la charia et c'est révélé que il, yani, il faut dire Amin, hein, après avoir lu la Fatiha dans la salat. Et le deuxième point qui est mentionné, أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين والأظهر أن المراد منهم منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Donc le cheikh il dit comme deuxième point que les anges ils font Amin pour le dua des gens qui prient. Donc quand les gens ils prient et qu'ils récitent la Fatiha et qu'ils disent la Fatiha, les anges disent Amin après qu'on ait fini de dire la Fatiha. Et il dit le sens le plus apparent de cette parole là, c'est que les anges sont témoins de la prière, ils assistent à la prière des croyants sur la terre et dans les cieux. Et ils se sont basés sur ça, ils se sont basés pour dire ça sur un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous dit Amin, les anges dans les cieux disent Amin. Et si l'un des deux le dit en même temps que l'autre, Allah lui pardonnera ce qu'il a fait comme péché précédent. Le point numéro 3, fadilatu ta'min wa annahu sababun fi ghufran adh-dhunub. Lakin 'inda muhaqqiq al-'ulama an at-takfir fi hadha al-hadith wa amthalihi khass bi sagha'ir adh-dhunub wa amma al-kaba'ir fala budda laha min at-tawbah. Donc cheikh il explique ici que on voit ici le mérite et yani la vertu de dire Amin, et que c'est une cause pour l'effacement ou le pardon des péchés. Il dit toutefois les ulama, parmi les vérificateurs, ils ont clarifié que l'expiation des péchés, le pardon des péchés qui est mentionné dans ce hadith et les hadiths de ce genre, c'est pas tous les péchés, c'est seulement les petits péchés. Tandis que les grands péchés, les kaba'ir, eux nécessitent une repentance. Qu'est-ce que c'est la différence entre, comment on distingue entre le grand péché et le petit péché? Les ulama, quand on a fait le cours sur Kitab al-Kaba'ir, on a parlé de ça en détail, on a expliqué. En fait, la règle, elle est quand même assez simple. C'est que si un péché, il est mentionné avec une menace, ou un châtiment, ou une punition, ou une peine dans cette vie, ou une punition dans l'au-delà, ou une menace quelconque, ça veut dire dans ce cas-là que c'est un grand péché. Et si c'est pas le cas, dans ce cas-là, c'est un petit péché. Après, le cheikh il dit, point numéro 4, annahu yanbaghi lid-da'i wal-mu'ammin an 'ala ad-du'a an yaqula an yakuna hadir al-qalb. Il dit la personne qui fait le du'a et la personne qui dit amin à ce du'a là, il faut qu'il soit présent avec son cœur quand il le fait. C'est-à-dire il doit être concentré. C'est pas juste faire le dua avec sa langue, ses lèvres, puis il prononce les choses sans être concentré et sans vraiment penser qu'est-ce qu'il dit. Le point numéro 5, استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأميم لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه وهذا قول الجمهور. Le cheikh il explique ici, il dit que l'imam al-Bukhari il s'est basé sur ce hadith là pour dire qu'il est légiféré que l'imam dise Amin à haute voix, et ça répond à la position de l'imam Malik tout à l'heure. Pourquoi? C'est quoi la preuve? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a relié le ta'min des prieurs derrière l'imam au ta'min de l'imam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit Amin, vous dites Amin. Et donc, il se base là-dessus pour dire que, ils ne peuvent pas savoir quand l'imam va dire Amin s'il ne le dit pas à voix haute. Et s'il ne le dit pas, comment ils vont savoir que l'imam a dit Amin si l'imam ne le dit pas ou s'il ne le dit pas à haute voix? Donc, ça c'est la preuve qu'ils doivent l'entendre pour dire Amin. Et ça c'est la position de la majorité des ulama. Il dit ensuite, وَمِنَ الْأَفْضَلِ لِلدَّاعِ أَنْ يُشَابِهَ الْمَلَائِكَ فِي كُلِّ الصِّفَاتِ الَّتِي تَكُونُ سَبَبًا فِي الْإِجَابَةِ كَالتَّدَرُّعِ وَالْخُشُوعِ وَالطَّهَارَةِ وَحَلِّ الْمَلْبَسِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَأْكَلِ وَحُضُورِ الْقَلْبِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ. Donc le cheikh il dit comme point numéro 6 que qu'est-ce qui est le mieux pour la personne qui fait des invocations, c'est qu'elle essaie d'imiter les anges dans toutes leurs caractéristiques pour que ce soit une cause dans le fait que la personne soit exaucée. Et il donne par exemple at-tadarru'. At-tadarru', c'est le fait d'être d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec dévotion et ferveur, hein? C'est-à-dire tu montres ton besoin de lui puis que tu es en détresse, yani tu as besoin de lui. Et al-khushu', c'est-à-dire l'humilité dans le dua et la concentration, la présence du cœur, la purification, la pureté, d'être en état de pureté, d'être en état de pureté et en même temps d'être avec des vêtements qui sont licites, de boire ce qui est licite et de manger ce qui est licite, pour que Allah t'exauce et de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations, c'est-à-dire de te diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala par ton cœur, yani lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour le hadith qu'on vient de lire. Le hadith suivant, 77, il dit le cheikh an Abi Huraira. Bon, il y a deux hadiths ici maintenant, le hadith 77 et 78, ils sont mis un à la suite de l'autre. Donc il dit idha an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha salla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-da'if والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء رواه البخاري ومسلم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith très important. C'est deux hadiths très importants. Pourquoi? Parce que ça nous montre le bon comportement et la modération dans la religion. C'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous prie pour des gens, c'est-à-dire il fait imam pour eux, qu'il allège sa prière, hein, c'est-à-dire qu'il la fasse pas trop longue. Parce que parmi eux, parmi les gens qui prient derrière toi, il y a le faible, il y a le malade, et il y a celui qui a un besoin quelconque. Alors, si vous priez pour, ça c'est lorsque vous priez avec les gens, pour les gens, c'est-à-dire comme imam. Toutefois, si vous priez pour vous-même, tout seul, prolongez comme vous voulez. Hein? Tu veux lire Baqara? Vas-y. Hein? Mais quand les gens sont derrière toi, pense aussi aux autres. Pense pas juste à toi. Il y a des gens, c'est ça. Ils veulent. Il y a des gens, ils veulent. En même temps, des fois, peut-être c'est exagéré. Il y en a qui veulent montrer que hein, ils aiment la prière, donc ils veulent prier longtemps. Mais ils pensent pas aux autres. C'est pas tout le monde qui ont beaucoup de temps ou qui sont pas occupés ou bien qui ont yani la bonne santé comme toi, hein, une bonne forme. T'es capable de rester pendant 20 minutes debout dans la prière. Il y a d'autres personnes qui ça les fait souffrir, hein. Ils peuvent pas. Donc il faut penser aux autres. L'autre hadith s'est rapporté selon Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je retarde pour aller à la prière de l'aube, la prière de subh, à cause de quelqu'un qui est imam et qui prolonge beaucoup la prière. Hein, il fait la prière trop longue. Alors il dit, j'ai jamais vu quelqu'un. Il dit, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettre en colère dans une exhortation autant qu'il s'est mis en colère ce jour-là. Hein? Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux gens, il dit, ô vous les gens, il y en a parmi vous qui faisaient fuir les autres. Inna minkum munaffarin. Il dit, il y en a parmi vous, vous faites fuir les autres de la religion. Il dit, quiconque d'entre vous, il dirige les gens dans la prière, qu'il fasse sa prière courte, pas trop longue. Parce que derrière vous, il y a la personne âgée, il y a l'enfant ou la personne qui est petite, et il y a celui qui a un besoin quelconque ou une affaire quelconque à régler. Hein? C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens général de ce hadith, le cheikh il dit, جاءت هذه الشريعة السمحة باليسر والسهولة ونفي العنة والحرج ولهذا فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالتخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المأمومين فيخرجوا منها وهم لها راغبون ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل إما لعجزه أو مرضه أو حاجته فإن كان المصلي منفردا فليطول ما شاء لأنه لا يضر أحدا بذلك. Donc le cheikh il dit que le sens général c'est pour montrer que cette charia elle est venue avec hein, la facilité et l'aisance. Elle vient renier et rejeter et opposer la gêne et tout ce qui est embêtant et qui est gênant ou qui est dérangeant ou qui est difficile pour les gens. Et c'est pour ça que la salat, qui est une des plus importantes et plus grandes formes d'adoration et d'acte d'obéissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui dirige les autres dans la prière comme imam de faire preuve de miséricorde pour les gens et d'alléger sa prière et de faciliter les choses pour les gens qui prient derrière eux. Pourquoi? Pour que quand les gens vont sortir de la prière, ils vont en avoir envie encore. Hein? Ils vont pas être éloignés ou repoussés de la prière. Ils vont pas prendre la prière comme un fardeau, quelque chose qui est lourd. Au contraire, ils sortent de la prière, ils ont hâte à la prochaine. Ils ont hâte à la prière parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est aisé, qui est pas trop lourd, qui est pas trop long, et c'est plus facile pour eux. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Parce que il y a des gens, si tu fais ta prière trop longue, eh ben ça c'est difficile pour les gens. Ils peuvent pas supporter. Peut-être quelqu'un peut pas supporter la prière qui est trop longue à cause de sa faiblesse, à cause d'une maladie, à cause de il a un rendez-vous ou quelque chose à faire, il a un besoin quelconque. Donc il faut tenir compte de ça. Le cheikh il dit, toutefois si toi tu veux prier tout seul, tu pries tout seul dans le sens que tu fais des nawafil, ou bien par exemple tu pries une fois par exemple quelque part et tu fais ta prière seul, tu peux prolonger ta prière comme tu veux. Mais quand tu as des gens derrière toi, tu ne dois pas prolonger trop la prière et la faire trop longue. Il dit وَمِنْ كَرَاهَتِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْتَطْوِيلَ الَّذِي يَضُرُّ النَّاسِ أَوْ يُعَوِّقُهُمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُ رَجُلٌ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ الصُّبْحِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَجْلِ الْإِمَامَ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ فَيُطِيلُ الصَّلَاةِ غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُنَفِّرَ النَّاسَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُكَرِّهُ إِلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَيُثَقِّلُهَا عَلَيْهِمْ فَأَيُّكُمْ أَمَّا النَّاسُ فَلْيُوجِزْ فإن منهم العاجزين وذوي الحاجات. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait que les gens prolongent trop la prière, d'une manière qui dérange les gens et qui les empêche de pouvoir faire leur travail aussi. L'exemple de ça, c'est qu'un homme est venu se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de quelqu'un qui faisait imam pour la prière de Fajr, de Subh. Avec la jama'a, mais il faisait la prière trop longue. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il s'est mis en colère, une colère vraiment sévère, grave. Et qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Il a dit: parmi vous il y en a qui font fuir les gens de l'obéissance d'Allah et qui les font détester la prière et qui la rendent trop difficile et trop lourde pour eux. Donc quiconque d'entre vous dirige les autres en prière, qu'il raccourcisse sa prière, c'est-à-dire qu'il la fasse moins longue, pas trop longue. Parce que parmi vous, il y en a déjà qui sont faibles et qui sont fatigués et qui ont des besoins ou qui ont des choses à faire, des occupations et ainsi de suite. اختلاف العلماء في هذه المسألة. هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول بحيث يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور كالبقرة والنساء والأعراف ويقرأ بطوال المفصل قاف والطور ونحوهما. وهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف، ومنها هذا الحديث أو هذان الحديثان اللذان معنا، وأنه يقرأ بقل يا أيها الكافرون والإخلاص ونحو ذلك. فالناس تبعا لهذه الأدلة مختلفون، فمنهم من يرى التطويل عملا بأحاديثها، ومنهم من يرى التخفيف عملا بما ورد فيها. والحق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، ولله الحمد، وكلها متفقة، ولكن التخفيف والتطويل أمران نسبيان لا يحدان بحد، لأن الناس في ذلك على بون بعيد، فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة، وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة، فليرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حاله وصلاته ويطبق بعضها على بعض ويظهر الحق الفاصل. وقد ذكر الصنعاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته ليعلمه بحال المؤتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة. Donc ici le cheikh il a parlé de la divergence en ce qui concerne les questions de la prolongation de la salat et de la durée de la salat. Et il explique qu'il y a de nombreux hadiths authentiques parce que nous on vient de lire deux hadiths qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde la personne qui prolongeait trop la prière, qui dirigeait la prière et qui faisait des prières trop longues, qui faisait fuir les gens. Donc ici le cheikh il explique qu'il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois il avait le temps de faire le takbir et quelqu'un, hein, lorsqu'il faisait le takbir, quelqu'un pouvait partir au baqi', le baqi' c'est le cimetière. Il allait faire ses besoins là-bas, il faisait son wudu, il revenait et il avait le temps d'attraper la première raka'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois il prolongeait la prière, il faisait sa prière plus longue. Et il y a d'autres hadiths qui mentionnent qu'il priait parfois avec les versets ou les sourates qui sont longues, comme Al-Baqara, Al-Nisa, Al-A'raf, et parfois avec des versets intermédiaires parmi les longues, parmi les mufassal, comme Qaf, At-Tur et d'autres pareils que cette longueur-là. Et le cheikh il explique ici qu'il y a d'autres hadiths authentiques donc qui ordonnent d'alléger la prière et de ne pas la faire trop longue, comme les deux hadiths qu'on a lus dans ce chapitre. Et le cheikh il explique que parfois donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur donnait donc de raccourcir pour alléger les choses pour les gens, pour pas que ça devienne trop lourd pour eux. Et il disait aux gens de réciter avec qul ya ayyuhal kafirun, al-ikhlas et des versets de ce genre. Et le cheikh il dit que beaucoup de gens ont divergé par rapport à ces différents hadiths là. Certains considèrent que ils préfèrent prolonger et d'autres ils préfèrent alléger. Chacun se base sur les hadiths qui ont été mentionnés dans ces différentes explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les différentes pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit que la vérité à ce sujet-là, en fait, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et que ces différentes versions, ces différentes explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces différentes pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont en accord les unes avec les autres parce que l'allègement de la prière et la prolongation de la prière sont des choses qui sont relatives. Et qu'elles ne sont pas définies par une limite spécifique. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un, par exemple, il est quelqu'un qui est peu religieux, ou qui n'a pas l'habitude de prier souvent, ou qui a de prier beaucoup, de faire des longues prières, pour lui, la prière qui est intermédiaire, ou qui est d'une durée médium, hein, entre, c'est-à-dire pas trop longue, pas trop courte, pour lui, ça va lui sembler long. Hein, parce qu'il n'est pas habitué de prier des prières longues. Tandis que la personne qui est habituée de faire beaucoup d'adorations et beaucoup d'actes d'obéissance, pour lui, ça va lui sembler court. La prière intermédiaire va lui sembler courte. Parce que pour lui, c'est l'habitude de faire des prières longues. Et donc, le cheikh dit que dans ce cas-là, il faut regarder les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son état dans la prière et comment il appliquait pour certaines règles et pour d'autres règles. Et d'autres ulama ont expliqué que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prolongeait, c'est parce qu'il savait que les gens qui sont derrière lui voulaient qu'il prolonge. Et donc c'est pour ça qu'il prolongeait. Toutefois, si on sait que les gens qui sont derrière sont des gens qui sont fatigués, qui sont malades, qui sont des personnes âgées, qui sont vieilles, ou des gens qui sont des jeunes enfants, des bébés, des gens qui sont préoccupés par des rendez-vous, des choses ou le travail. Dans ce cas-là, il faut tenir compte de ça. Il faut alléger la prière dans ces cas-là. Et donc, l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose, et l'état de la umma, c'est autre chose. D'accord? Et le cheikh, il explique quelques points à ce sujet-là. Le premier point, wujub at-tarfif. Et en passant, on avait parlé de ce sujet-là, on avait parlé en détail dans le livre Iqtida Salat al-Mustaqim. Je pense que, Abdurrahman, tu as assisté à ces cours-là, si je ne me trompe pas. Peut-être que tu ne te souviens pas. On a parlé de la question de la salat, puis les détails de et tous les versets qui, et les hadiths, en fait, dans le sujet de ne pas tomber dans l'extrême. Quand on parlait de, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mettait en garde contre l'extrémisme. Et il expliquait que le fait d'être dans l'extrémisme ou dans l'exagération dans la religion, c'est des caractéristiques des juifs et des chrétiens. Et que nous, les musulmans, on doit éviter les extrêmes et s'éloigner des extrêmes. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Ya ahl al-kitab, la taghlou fi dinikum. » Ô vous, les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Donc la caractéristique de l'extrémisme, aujourd'hui on voit que c'est les juifs et les chrétiens qui critiquent les musulmans et qui les accusent d'être extrémistes, alors qu'à la base, leur religion à eux, c'est des religions extrémistes. Extrémistes dans la croyance et extrémistes dans les pratiques. Hein? Regarde par exemple les croyances chrétiennes qui disent que Jésus c'est Dieu et qui croient que Marie c'est la mère de Dieu et qui adorent des saints, des images, des choses de genre. Ça c'est de l'extrémisme. Parce qu'ils exagèrent au sujet d'un prophète et ils l'élèvent à un niveau de divinité. Ça, c'est de l'exagération. Ils exagèrent dans l'adoration aussi. Tu vois que quelqu'un, par exemple, quand il veut être religieux, il devient un prêtre, il va pas se marier, il reste enfermé dans un monastère, et les femmes qui veulent être pieuses ou qui veulent être religieuses, elles s'enferment dans des cloîtres, et elle se marie pas, et elle reste isolée, et parle à personne, elle passe sa journée à prier seulement, elles n'ont pas de vie sociale, elles sont pas productives, elles n'aident pas la société, elles n'aident pas les gens, elles restent juste isolées dans ces endroits-là. Ça, c'est de l'extrémisme. Allah, il n'a jamais ordonné ça. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et chez les juifs, encore pire. Hein? Quand tu vois, par exemple, les juifs avec leurs règles, religieuse, c'est tellement extrême, tellement difficile. La plupart des juifs, ils ne sont même pas capables d'appliquer les règles du judaïsme, tellement les règles du judaïsme sont compliquées. Donc la religion juive, c'est une religion extrémiste. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été révélée. Ou bien elle a été falsifiée, déformée par les hommes, ou bien parce qu'ils n'ont pas cru aux prophètes qui sont venus pour alléger la religion pour eux. Ils se sont rendus la religion difficile pour eux-mêmes. Hein? Donc ça c'est pour nous montrer en même temps que l'islam c'est la religion de la modération. Ma ja'ala Allah lakum fi ad-din min haraj. Ma ja'ala Allah 'alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a mis pour vous dans la religion aucune difficulté, aucune gêne. Et donc pour revenir au point que le cheikh il a expliqué à ce sujet-là, le point numéro 1, wujub tarfif as-salat. وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الاتمام مع الاتمام. Donc il dit ta prière tu dois la faire complète et parfaite, mais c'est obligatoire de l'alléger quand tu pries en jama'a lorsque tu es imam. Le fait de l'alléger, ça ne veut pas dire que tu vas manquer à ses obligations, à ses conditions et à ses règles et à ses droits. Mais tu vas la faire de manière correcte, mais en même temps, tu vas pas la faire trop longue, tu vas pas exagérer dans la longueur. Tu fais une prière modérée, pas trop courte, pas trop longue. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui a été mentionné à ce sujet-là? Bon, c'est que en général, Salat al-Fajr, il a fait plus longue, parce que c'est 2 raka'a. Puis, après Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr, c'est moyen, hein, longueur moyenne. Il récite les sourates de al-Mufassal al-Sighar, les petites Mufassal, hein, puis les moyennes. Puis, dans le Maghreb, il récite les prières courtes. Le Maghreb, il a fait pas longue. Puis l'Isha, il fait un peu plus long. Hein? Moins long que le Fajr, mais plus long que le Maghrib. Donc ça, c'est la règle. En général, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait. Dans les hadiths, on voit la description. Le cheikh, il dit comme deuxième point, « Radabuhu sallallahu alayhi wa sallam ala al-muthaqqalin. » وعده هذا من الفتنة. Donc la colère du prophète صلى الله عليه وسلم pour ceux qui alourdissent la prière pour les gens, et il considère que ça, cette personne, elle rend la religion difficile pour les gens, et ça devient une fitna pour les gens. Même dans le hadith, lorsqu'il a dit à Mu'adh, Afattanun anta ya Mu'adh, Afattanun anta ya Mu'adh, c'est-à-dire, est-ce que toi, Mu'adh, t'es un fattan, tu veux éprouver les gens dans leur religion et leur rendre la religion difficile pour les faire fuir de la religion? Donc le prophète s'en se mettait très en colère parce qu'il a récité le Baqara dans la salat. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur, hein, l'homme, le sahabi? Il est venu prier, il a vu que Mu'adh, il a commencé à réciter le Baqara, il est sorti des rangs et il a prié tout seul. Il a fini sa prière, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, parce que Mu'adh radiallahu anhu, il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis quand il a fini de prier l'Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retournait chez ses proches, les gens de son quartier, pour prier imam avec eux. Il a commencé à réciter le Baqara une fois. Et c'était trop long pour la personne, il est sorti, il a prié tout seul, et il est allé voir le professeur. Mu'adh était fâché. Mu'adh était fâché, il a dit, mais comment tu fais ça? Il est retourné voir la personne, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au messager d'Allah, il est sorti des rangs, il a prié tout seul. Il n'est pas resté jusqu'à la fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Afattanun anta ya Mu'adh, est-ce que toi tu es un fattan? Tu veux éprouver les gens dans ta religion, dans la religion d'Allah? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en colère, il s'est mis en colère. Et comme dans le hadith qu'on a lu, il dit فَرَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي يعني il dit فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطْ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ. C'est-à-dire, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettre en colère dans une exhortation qu'il a donnée aux gens plus que la colère dans laquelle il s'est mis de ce jour-là à cause de ça. Ça veut dire, c'est grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déteste l'extrémisme et l'exagération dans la religion de façon générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Il dit la seule chose qui a fait périr les gens avant vous, c'était l'exagération dans la religion. Les juifs et les chrétiens, ils ont dévié de leur religion à cause de l'extrémisme. Tu les vois aujourd'hui, les chrétiens et les juifs, les koufars, en général, beaucoup d'athées sont devenus athées. Pourquoi? Parce que les prêtres, ils ont tellement exagéré dans la religion qu'ils ont fait dégoûter la religion pour les gens. Après, les gens, ils ne veulent plus entendre parler de la religion. Ils ont menti, ils ont volé, ils ont fait tellement d'injustices au nom de la religion. À cause de ça, les gens, ils ne veulent plus entendre parler de la religion. Surtout que dans leur religion, c'est les prêtres qui représentent l'Église, soi-disant. Et l'Église, pour eux, c'est une autorité. Donc, quand l'Église commence à faire à vendre des certificats pour faire rentrer au paradis. Tu veux rentrer au paradis? Ok, paye. Tu dois me payer. Tu veux faire sortir tes proches du purgatoire ou de l'enfer? Sans l'argent, je vais t'écrire un papier qui prouve qu'ils ne vont plus être en enfer. Si tu payes, ça, tu vas les faire sortir de l'enfer. C'est comme ça qu'ils faisaient. A'udhu billah. C'est qui leur a donné les clés du paradis, de l'enfer? C'est eux qui pensaient que c'était entre leurs mains. Si, c'est les soufis là, peut-être ils font ça, mais ils émettent les juifs et les chrétiens là-dedans. Allah, il n'a jamais légiféré ça. Oui, même les prêtres, celui qui écrit la feuille, il ne sait même pas lui-même s'il va aller en enfer ou au paradis. Il écrit la feuille pour les autres. Comment il fait? Et la même chose, ils ont tellement serré les choses pour les relations entre les hommes et les femmes, ils ont rendu ça très très difficile. Pour le mariage, ils ont rendu ça très difficile. toutes les choses, subhanallah, même un homme qui est marié avec sa femme, ils veulent contrôler qu'est-ce qui se passe entre lui et sa femme. C'est-à-dire, ils le laissent pas même avoir des rapports intimes avec sa femme comme il veut. Dans les limites de même dans qu'est-ce qui est permis, ils veulent l'interdire. Mais c'est ça. Ça, c'est un autre exemple. Les catholiques, ils ont pas le droit de divorcer. S'il y a un problème, pas de divorce. Ça veut dire que tu dois rester toute ta vie avec cette femme ou cet homme, même si c'est une relation qui est vraiment mauvaise, qui te nuit même. Alors, à cause de ça, les chrétiens, quand ils en ont eu assez, ils ont explosé, ils sont devenus maintenant dans la perversité totale. Ils sont allés dans l'autre extrême. Ils étaient extrêmes dans la religion avant. Tout ce que le prêtre dit, il croit que c'est la vérité, que ça vient de Dieu. Hein? Le prêtre, il croit que le prêtre, il peut pas se tromper. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Si le prêtre l'a dit, il faut l'obéir. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tout ce qu'il dit là, ils vont même s'il dit la vérité, ils vont pas l'écouter. Oui. Les églises sont transformées en d'autres choses. Ils les vendent. Parce qu'il n'y a plus personne qui va là-bas. Tous ceux qui vont là-bas, c'est des gens avec les cheveux gris. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils ne veulent pas aller à l'église, parce qu'il n'y a rien d'intéressant pour eux là-bas. Donc, tout ça, c'est le résultat de l'extrémisme. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Quand tu vas dans l'extrémisme, dans la religion, ça ramène les conséquences négatives contraires. Qu'au lieu de faire rapprocher les gens, ça les fait éloigner et deviennent pires encore. Oui, l'élever, exactement, c'est ça la réalité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va être trop dur dans la religion, excepté que la religion va l'écraser. Il dit, cette religion de l'islam, elle est dure, elle est lourde, c'est une responsabilité lourde. Si tu veux être trop dur dedans, tu vas te faire écraser. Beaucoup de gens qui sont trop durs dans la religion, tu les vois après quelque temps, ils quittent complètement la religion. Ils cessent de la pratiquer. Ils sont plus capables. Ils sont épuisés eux-mêmes. C'est vrai. J'ai vu des gens qui étaient dans la religion, ils pratiquaient vraiment. Des fois, tu dis, c'est incroyable. Et puis aujourd'hui, tu les vois. Ils avaient la barbe, ils n'ont plus de barbe. Ils avaient le qamis, ils marchent avec n'importe comment dans la rue. Ils ne pratiquent plus l'islam. Ils ont quitté la religion complètement. Mais parce qu'ils avaient des compréhensions de la religion exagérées, extrêmes. Des femmes qui portaient le djilbab, mais c'est pas parce qu'ils faisaient ces actes-là qu'ils étaient extrémistes nécessairement. C'est dans leur compréhension qu'ils étaient extrémistes. C'est dans plein de petits détails qu'ils allaient à l'extrême. Ils dépassent les ulama. Ils dépassent ce que les savants de l'islam enseignent. Et à cause de ça, ils deviennent extrémistes. Ils veulent être plus religieux que les sahaba, les ulama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent qu'ils sont capables de tout faire comme il faut à la lettre. Hein? Non, ça c'est pas possible. Il faut reconnaître que on a nos manquements, nos limites et nos faiblesses. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Saddidu wa qaribu. Ça veut dire Saddidu, ça vient de As-Sadad. As-Sadad, ça veut dire la droiture. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha alladhina amanu, taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadida dit une parole qui est droite. As-Sadad, c'est la droiture. Saddid, ça veut dire sois droit. Waqarib, ça veut dire que si tu peux pas être sur la droiture parfaite, qarib, essaie de te rapprocher le plus possible. Saddid waqarib. Si tu peux pas être sur la droiture parfaite 100%, au moins essaie de t'en rapprocher le plus possible. Hein? Mais sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné des choses. Il faut tu fasses ton possible pour être un bon musulman, de suivre l'islam le mieux que tu peux, mais en même temps, si tu n'y arrives pas, hein, tu fais ton possible. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah le plus que vous êtes capable. Hein? Et donc ça c'est important. Le cheikh il dit جواز تطويل الصلاة صلاة المنفرد ما شاء وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة وذلك كي لا تصطدم مصلحة المبالغة في التطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. Donc le cheikh il dit qu'il est permis de prolonger la prière si tu pries tout seul, comme tu veux, à condition que tu vas pas faire sortir la prière en dehors de son temps. C'est-à-dire que tu vas prier tellement une prière trop longue, tu vois, tu vas prier salat al-asr, tu vas prier salat al-asr jusqu'à al-maghrib. Non, hein, ça c'est pas correct, parce que là tu rentres dans le prière dans le temps d'une autre prière. Une prière tu la commences puis tu la finis dans le temps de l'autre, non. Tu dois respecter le temps de chaque prière. Et il dit donc que si tu exagères dans la prolongation de la prière jusqu'à ce que tu arrives à l'autre prière, donc là c'est pas correct. Le quatrième point, wujub mura'at al-ajizin wa ashab al-hajat fi as-salah. Donc l'obligation de tenir compte des gens qui sont faibles, qui sont incapables ou qui ont des besoins ou des occupations. Tu es dans la salat, quand tu es imam, tu penses à ceux qui sont derrière toi. Tu penses pas juste à toi. Tu penses aux besoins et à la situation des autres. Ça, c'est important. Et il dit le cinquième point, خامساً, أنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثر التطويل. Il dit, le cheikh, comme cinquième point, ça dérange pas de prolonger la prière si le nombre de gens qui prient derrière toi est restreint et qu'ils aiment que tu prolonges. Donc si tu pries avec des gens qui te connaissent, que toi tu les connais bien et tu sais qu'est-ce qu'ils aiment, tu sais que quand tu prolonges la prière ça les dérange pas, au contraire ils aiment ça, dans ce cas-là oui c'est permis de le faire. D'accord? سادساً أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم ويرغبهم فيه لأن هذا من التأليف ومن دعاية الحسنة من الدعاية الحسنة إلى الإسلام. Donc le cheikh dit il faut que quelqu'un il rende le chemin du bien facile pour les gens. Et il leur fait aimer le bien. Il va leur faire aimer le bien. Et il va les inciter au bien. Hein? Il dit parce que ça fait partie de ce qui va aider les gens à se rapprocher. Hein? Et à se rapprocher du bien, se rapprocher de la mosquée, se rapprocher de tout ce qui est bon. Et c'est une belle façon de faire connaître aux gens le bien de l'islam. C'est vrai. Comme tu dis, il y a des gens qui vont dans l'extrême et qui vont dans l'exagération. Mais aussi, en même temps, il faut être juste. Et aussi, il faut tenir compte du fait que, parfois, il y a aussi l'autre extrême, malheureusement, de laxisme. Il y a l'extrémisme de l'exagération et il y a aussi le laxisme, parfois aussi. Et il y a des gens qui aiment la facilité et qui aiment ou qui cherchent parfois à ce que, yani, on leur permette des choses qui sont pas permises ou qu'on leur facilite les choses au point où on leur dise, ouais ben ok, oui ça c'est halal, yani à la fin tout est halal, donc ça c'est pas correct. Donc il faut être juste, oui il faut être juste. Donc la dureté, l'extrémisme, ça fait pas partie de l'islam. Ça, c'est quelque chose qui est condamné par l'islam. C'est interdit dans l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit al-ta'annut. Il a interdit al-ghulu. Hein? Il a interdit, il y a des hadiths comme ça. Halakal mutanatti'un. Al-tanattu'. At-talattu', c'est ça, c'est d'exagérer, d'être trop, de trop chercher tous les petits détails des choses, exagérer dans les choses. At-talattu', hein, kathratu su'al, oui, poser trop de questions. Des fois, c'est exagéré. Il y a des gens qui posent des questions, mais ils dépassent la limite. Exactement. C'est ça. Yani, inna Allah yani harrama ashya fala ta'taduha. Ça c'est un bon exemple. Qu'est-ce que tu dis? L'exemple de Bani Israël, lorsque Allah leur a ordonné d'égorger une vache, n'importe quelle, et eux ils ont commencé à exiger des détails. Est-ce que c'est une vache de telle couleur? Est-ce que c'est une vache comme si? Est-ce que c'est une vache comme ça? D'exagérer dans les questions jusqu'à ce qu'à la fin, yani, c'est devenu très compliqué pour eux. Hein? Mais c'est leur nature. Ils sont comme ça, malheureusement. Et à cause de ça, la religion est devenue dure pour eux. Il y a plein de choses. Tu vois, les juifs, yani, le pourcentage déjà, il n'y a pas beaucoup de juifs dans le monde. Et parmi eux, le nombre de juifs qui pratiquent leurs règles, il y en a vraiment pas beaucoup. Quand tu vois la différence entre les pratiquants puis ceux qui sont pas pratiquants, donc c'est pour montrer à quel point leur religion elle est pas applicable concrètement là, hein? Très difficile pour eux d'appliquer leur religion. Donc tous ceux qui sont rentrés, tu vois la société dans laquelle on est, qui est noyée dans la perversité puis dans tout ce qui est maintenant il y a plein de scandales qui sortent. Pourquoi? Parce que les gens, pendant des siècles, ils ont été dans l'extrémisme religieux, et là maintenant ils veulent la liberté, ils sont devenus extrémistes là-dedans. Et qu'est-ce qui est triste avec les gens comme ça, surtout parce que une des causes de l'extrémisme, c'est l'ignorance de la religion. C'est-à-dire des gens qui connaissent la religion seulement de façon superficielle. Alors, à cause de ça, ils pensent que la piété, c'est d'être dur et d'être extrémiste. Puis après, le résultat de ça, c'est que, hein, après, ils vont dans l'autre extrême. Mais le problème, c'est que ils prennent pas de leçons. Ils vont retourner dans l'autre extrême encore, par la suite. Hein? Puis c'est comme un va-et-vient entre ces deux extrêmes-là à chaque fois. Dans l'histoire, c'est comme ça. Donc c'est pour cette raison-là que il n'y a pas un meilleur moyen de se sauver de l'extrémisme que, par exemple, le fait d'apprendre sa religion correctement, d'étudier sa religion avec les ulama, de retourner aux paroles des hommes de science pour leur demander les clarifications. Parce qu'il n'y a personne qui peut faciliter et simplifier la religion plus que les ulama. Tu vois la différence entre quelqu'un qui est un alim et un jahil dans cette distinction-là. Tu écoutes un alim qui explique l'islam, tu dis, mashallah, comme c'est simple la façon comment il clarifie la religion, comment il explique les choses. Mais quand tu parles avec des juhal, des ignorants, ils te rendent les choses très très compliquées et très difficiles, hein, à cause de leur ignorance. Hein. Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours retourner aux ulama de l'islam, pour quand on a des questions, il faut toujours leur poser. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri, in kuntum la ta'lamun. Donc, quand j'ai des questions, je pose aux ulama. J'appelle les ulama au téléphone, ou bien je leur écris un email, ou bien j'écris par texte avec le téléphone. J'essaie d'avoir des réponses sur des sujets importants, des questions que j'ai dans la religion, pour qu'ils me clarifient ma religion. D'accord? Et donc, ça c'est l'attitude et le réflexe que chaque musulman doit développer. Et des fois, les gens, ils disent, « Ouais, mais c'est difficile de les contacter, c'est difficile de ci, c'est difficile de ça. » Mais si t'es vraiment... Hein, nous, on l'a facile aujourd'hui, à notre époque. On a le téléphone, on a l'Internet. Allez, imaginez l'homme qui, on a rapporté l'histoire de l'imam Malik quand il est parti de l'Andalousie, l'homme qui est parti de l'Andalousie jusqu'à Médine pour poser des questions au cheikh, à l'imam Malik. Il est arrivé à l'imam Malik, il lui a posé les questions. Donc ça veut dire, imaginez, il a compris l'importance des ulama, il a compris l'importance du ilm, il a quitté l'endroit d'où il vient, il est parti, soit en bateau, soit à pied, soit en cheval, soit en chameau. Il a fait un voyage, ça prend des mois peut-être pour arriver jusqu'à Mecca, pour aller à Médine et rencontrer l'imam Malik pour lui poser des questions dans la religion. Hein? L'exemple de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr dans le Coran. Comment Khidr il est parti, et comment Moussa alayhi salam est parti pour rencontrer Khidr pour apprendre le ilm. Parce qu'on lui a dit que Khidr avait plus de ilm que lui. Alors il a voulu l'apprendre. Alors que c'est un prophète d'Allah, il a fait le voyage, il est parti pour apprendre. Donc, si toi tu as des questions dans ta religion, tu es mélangé ou tu n'as pas compris, tu dis j'ai appelé les ulama, ils ne répondent pas. Hein? Tu prends un billet d'avion, tu vas faire la Umrah, tu vas aller à Mecca, à Médine, tu vas rencontrer les machaires, tu leur poses les questions. Et si tu ne connais pas l'arabe, quelqu'un va traduire pour toi, il va t'expliquer la réponse du cheikh, il va traduire ta question aussi. Donc tu vas trouver ta réponse. Mais ça dépend de à quel point tu veux avoir des réponses pour tes questions. Si tu es vraiment yani, sincère dans le fait de vouloir apprendre ta religion et poser des questions aux ulama, tu vas trouver le moyen d'arriver jusqu'aux ulama. Mais si tu restes assis hein, à Montréal comme ça, et tu dis j'aimerais apprendre ma religion, mais tu restes assis là comme ça, tu ne fais pas d'efforts, tu ne bouges pas. Allez, combien de gens avant nous, comment ils ont fait des efforts pour la science? Et nous, on fait rien. Hein? Et moi, j'ai dit aux frères, je donne les cours à la mosquée ici. Et allez, vous pouvez venir. Pendant des années, je me suis déplacé. Pendant des années, c'est moi qui partais de chez moi jusqu'à Saint-Michel et loin comme ça pour aller. Chaque fin de semaine, j'allais là-bas pour donner les durous aux frères. Maintenant, hein? Pour eux, c'est difficile de venir ici pour se déplacer jusqu'ici pour assister au dars. Mais je leur en veux pas. Non, si c'est 10 000 dollars. Hein? Abdullah ibn Abbas, il a dit aux gens dans le souk, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est allé dans le souk, il a dit, venez dans la mosquée, on est en train de distribuer l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils sont venus en courant, ils sont entrés dans la mosquée, il a dit, C'est où? On veut recevoir l'héritage nous aussi. Ils sont revenus voir Abdullah ibn Abbas. Ils disent, on est allé dans la mosquée, on n'a pas trouvé l'héritage. Il a dit, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science. Eux, ils n'ont pas compris ça. Eux, ils pensaient que c'était de l'argent qu'ils allaient trouver. Mais la science est plus importante que de l'argent. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.